Le mois d'octobre est le mois de la liquidation des modèles 2017 chez Dolbo Auto. Des rabais allant jusqu'à 1 500 $ sur nos camionnettes Silverado et Sierra. Dolbo Auto est situé au 1770 boulevard Walbrook, Dolbo-Mistassini, au numéro de téléphone 418-276-0580. Toute l'équipe de Dolbo Auto vous invite à acheter localement pour garder nos emplois ici. Lorsque survient un décès, il est important d'être accompagné par une équipe de professionnels qui sauront bien vous épauler pendant cette période de tristesse. L'équipe de Hébert et Fils est une entreprise 100% locale qui crée des emplois dans notre milieu. Nous faisons partie de la Corporation des Thanatologues du Québec. Hébert et Fils, 2355 boulevard Walbrook, 418-276-1411. Toute l'équipe de Hébert et Fils rappelle que l'achat local est vital dans notre économie. La semaine passée, on a frôlé un petit peu. Le Canadien de Montréal a passé très, très près de mettre fin à leur séquence de 538 matchs à guichet fermé au Centre Bell. C'est pas vraiment clair. On sait pas si, peu importe, à quelques heures du match d'ouverture, il restait encore beaucoup, beaucoup de billets à vendre. Et la question que je me pose suite à ça, est-ce que le Canadien prend sa clientèle pour acquis un peu trop? On a eu beaucoup de rebonds de gens qui des amateurs de billets de saison ou des qui mentionnaient que maintenant pour avoir des billets de carton, il fallait payer un certain montant. Quoi qu'il en soit, on va en parler avec un spécialiste du marketing sportif, Jean Gosselin. Bonjour, M. Gosselin. Bonjour. M. Gosselin, est-ce que le Canadien prend sa clientèle pour acquis? On a passé très, très proche récemment de mettre fin à cette fameuse séquence de 538 matchs à guichet fermé au Centre Bell. C'était contre les Blackhawks de Chicago dans un match d'ouverture. Je me dis, ça va être quoi que ça va être les Blue Jackets de Columbus, ça va être les Golden Knights de Las Vegas et ainsi de suite? Là. Je pense pas que le Canadien prend sa clientèle pour acquis. Parce que on voit qu'il y a plusieurs efforts qui sont faits d'année en année pour améliorer le service à la clientèle, pour ajouter des initiatives ici et là. C'est certain cependant que ils arrivent un peu à la limite de ce qu'ils peuvent demander à leurs clients, considérant la valeur que le client accorde à cette propriété-là. Parce que En marketing, le prix, c'est une chose, mais la véritable notion, c'est la valeur, parce que le prix reflète la valeur. Et ce qui arrive dans le cas du Canadien présentement, c'est que compte tenu des performances sur la glace, compte tenu de l'atmosphère qui a présentement autour de l'équipe, ben évidemment, on n'a pas l'impression qu'on en a pour notre argent. Et évidemment, dans ce contexte-là, ben on a tendance à être un peu plus critique, à chercher un peu plus pour augmenter la valeur de notre dépense. Et je pense que c'est un peu là où le Canadien doit arriver à un moment un peu charnière, j'ai l'impression, tant aussi longtemps que l'équipe ne donnera pas un coup de pouce à l'équipe marketing. C'est toujours en affaires, c'est toujours l'offre et la demande. Hein? Puis la liste est très longue. Là. Il y a une liste d'attente. Là. Il y a même un qui me disait que ça coûte 200 $ ou 140 $ par année pour être seulement sur la liste d'attente. Et il y a un 40$ qui n'est pas applicable sur le billet. Donc, c'est toujours le principe et l'offre et la demande. S'il y a des gens qui sont prêts à payer pour ça, ben il serait fou de pas en profiter, non? Ben, c'est un peu le principe. L'offre et la demande règle notre vie de tous les jours. C'est vrai pour votre dépanneur et c'est vrai pour votre vendeur d'assurance et c'est aussi vrai pour un chanteur ou un humoriste. Donc, c'est le principe. Tant ou si longtemps qu'il y a une masse critique de consommateurs qui sont prêts à ou qui sont d'accord plutôt avec la valeur que vous proposez pour votre produit ou votre service, ben il serait effectivement fou de s'en passer et pourquoi ne pas justement en profiter. On aimerait bien que le Canadien soit une institution plus démocratique, plus ouverte, plus accessible, mais jusqu'à nouvel ordre, ça reste une entreprise privée, c'est une entreprise qui a des comptes à rendre à des actionnaires et qui doit, à la fin de l'année, enregistrer, sinon des profits, à tout le moins, de terminer l'année sans déficit ou en tout cas offrir la meilleure performance possible financière, s'entend. Donc, on est dans ce jeu-là. Et à un moment donné, c'est là où il faut être prudent. Et c'est pour ça que je dis que le Canadien ne prend pas sa clientèle pour acquis. Parce qu'on le sait, ça. Le Canadien a pris, et je suis pas au courant des détails, j'étais pas autour de la table, ça aurait pu être intéressant, mais quand ils ont décidé d'imposer des frais pour des billets imprimés, ben c'était une façon de ne pas augmenter le coût du billet, parce que arrive à un moment donné où l'entreprise doit chercher une façon nouvelle d'augmenter ses revenus. Les dépenses augmentent, il faut bien aller chercher des revenus quelque part, et ben je suis convaincu d'une chose, les gens de marketing au niveau de chez le Canadien sont des gens de grandes compétences, et je suis parfaitement convaincu qu'ils savaient que ça créerait une difficulté. Il y a une expression qui dit entre deux mots, il faut choisir le moindre. Ben, effectivement, et il y avait le choix entre un petit problème ou un gros problème. Je pense que le problème aurait été plus grand s'ils avaient décidé d'augmenter tous les prix des billets plutôt que de donner l'option à leurs clients de ne pas imprimer les billets moyennant une réduction. OK. Quand est-ce qu'on va atteindre la limite de payer? Je veux dire, on entend souvent dire une famille 4 enfants, une famille 2 enfants, avec le prix du billet au Centre Bell, c'est 500$. Est-ce que ça va être quand la limite, là? Est-ce qu'on est sur le bord de l'avoir, cette limite-là? Ben, d'entrée de jeu, il faut savoir que la famille 4 enfants, c'est pas la clientèle de base du Canadien de Montréal. 2 enfants, à tout le moins, pas pour aller... Pas pour aller au Centre Bell. Le Canadien ne vise pas cette clientèle-là. Les familles qui veulent apprécier le Canadien ont d'autres façons de le faire, soit en se rendant dans des bars sportifs, soit en participant à des activités au Centre Bell, comme la pratique publique, ces choses-là. Pour les matchs, évidemment, la clientèle, c'est pas celle-là. Et on vise des clientèles qui, jusqu'à maintenant, ont les moyens. Encore une fois, c'est directement lié à la perception de valeur, parce que la valeur, c'est toujours une question de perception, à la perception de valeur pour le spectacle qu'on reçoit. Mmh. Et pour le moment, ben les gens n'ont pas l'impression d'en avoir pour leur argent. Moi, je vous garantis une chose, mettez une série de 20 matchs avec 15 victoires, 2 matchs nuls et 3 défaites. Et il n'y a plus personne qui va nous parler du prix des billets. Il n'y a plus personne et les gens vont courir après les billets. Mm. L'an dernier, à la même date ou à peu près, on avait un début de saison 8-2, 9-1, quelque chose du genre. On parlait déjà d'organiser la parade pour la Coupe Stanley sur la rue Sainte-Catherine. Mm. Aujourd'hui, un an plus tard, on se demande si le Canadien n'est pas rendu au point où il n'y aura plus de personnes pour acheter des billets. La valeur, elle est très variable dans le contexte d'un match sportif. Surtout avec une équipe comme le Canadien, parce qu'il y a des grandes équipes qu'on voit aussi que, bon, ben, les Penguins de Pittsburgh, par exemple, on a une bonne idée que soir après soir, c'est une équipe qui autant sur papier que sur la glace, est très forte. Dans le cas du Canadien, il y a beaucoup de points d'interrogation, donc on n'est pas certain. Si on va voir un humoriste, si on va voir un chanteur ou une chanteuse, on a une bonne idée que le spectacle va être à peu près le même d'un soir à l'autre. Mm. C'est la beauté du sport que c'est pas le cas, mais c'est aussi parfois son problème quand on n'est pas certain de ce qu'on va nous livrer. Oui, effectivement. Est-ce que le Rocket de Laval pourrait être une menace ou c'est pas du tout la même clientèle pour le Canadien? C'est deux clientèles différentes, c'est deux produits différents. Okay. C'est comme demander si une jeune chanteuse qui vient de sortir de La Voix est une menace pour Céline Dion. C'est deux publics. Effectivement, la famille dont on parlait tantôt, de 2 adultes, 2 enfants, qui peut pas aller au Centre Bell, peut-être qu'elle peut aller voir un match du Rocket à Laval. Ça, c'est une alternative qui se fait à eux, parce qu'on est dans le dollar de divertissement. C'est à la famille de décider comment elle va dépenser son dollar de divertissement. Est-ce qu'on va à un match du Canadien? Est-ce qu'on va faire un voyage en Floride? Est-ce qu'on se paye une semaine de camping? Tout ça fait partie des décisions qu'une famille doit prendre. Et, ben évidemment, la valeur de tout ça se prend différemment d'une famille à l'autre. OK. Jean Gosselin, spécialiste en marketing sportif, un gros, gros merci. On s'en parle dès que l'actualité l'exige. Au plaisir. Notre spécialiste de marketing sportif, Jean Gosselin.